Claudine Lux. Les pérégrinations de Klaus et Clotilde. Carnet de voyage d'une jeune fille rangée. Chronique. Chapitre 1. Fraulein Fifi. J'émerge peu à peu d'un sommeil de plomb. J'entends encore le roulis du train, mais les visages aperçus sur le quai des gares et dans les wagons sont oubliés. Les paysages entrevus s'étalent désormais en une immense fresque insaisissable. Ce long voyage entrepris avec Hélène depuis le centre-ouest de la France, vers Bad Mingolsheim, dans le Bad Württemberg, la traversée souterraine de Paris, l'attente interminable dans la fourmilière de la gare de l'Est, quelle aventure tout de même! J'ai erré toute la nuit dans les couloirs, scrutant les rares îlots illuminés de la campagne, ou bien encore les cités endormies sous leurs réverbères. À l'aube, des accents germaniques bien avant la frontière, le grand cirque des douaniers et des contrôleurs, des voix gutturales et glacées, pas du tout celles des professeurs d'allemand, plus mélodieuses, modelées par le lyrisme des grands poètes, étudiées en classe. Enfin, de l'autre côté du Rhin, dans ce pays des contes et de l'horreur si fascinant qu'est l'Allemagne, le glissement ouaté au milieu de brumes matinales, batifolant sous un ciel bleu, rutilance du large fleuve mythique, à peine entrevu. Un changement de train à Karlsruhe pour une sorte de Micheline presque vide. La fatigue, la tête qui dodeline, l'estomac qui crie famine, des yeux bouffis qui ne prennent plus guère note d'un paysage plat, mamelonnant à l'horizon. Arrivé dans la minuscule gare de Bad Mingolsheim, lecture du plan du village sur le parvis. Pas de taxi, peu d'argent de toute façon. Hélène et moi marchons bravement sous un soleil à son zénith avec nos lourdes valises sur des trottoirs pavés. Partout des maisons neuves bien alignées derrière des jardinets fleuris, le tout respirant la propreté et une vie bien rangée. Surgit l'on ne sait où. Deux hommes au teint basané, en costume foncé, flottant sur un corps très maigre, empoignent soudain nos bagages et les hissent sur une épaule. Des Yougoslaves travaillant ici comme maçons, expliquent-ils dans leur allemand rudimentaire. Deux ou trois kilomètres plus loin, on se sépare sur une chaleureuse poignée de main devant un large portail métallique à claire-voie, en espérant sincèrement se revoir au plus tôt. Assise sur mon lit, je jette un coup d'œil en direction d'Hélène qui dort dans un autre angle de la pièce, la tête posée sur ses deux mains jointes. Un gazouillis de voix sous la fenêtre ouverte, des voix posées et un peu monocordes de très vieilles dames, des conversations dont je ne comprends pas la teneur. J'aperçois en contrebas quatre dames qui papotent paisiblement sur une terrasse, confortablement installées dans leur fauteuil roulant, chevelure argentée, mains osseuses et tavelées, dos voûté mais habits colorés comme on porte rarement les Françaises du même âge. Que faire? Je sors dans le couloir où s'alignent des portes toutes semblables. L'une d'entre elles s'ouvre, livrant le passage à une femme très âgée, cortassée sur lui-même, jambes lourdes comme des poteaux, mains déformées, teint rougeau, regard vitreux. Une personne peu avenante et morne, qui ne répond pas à mon salut. Dans le hall d'entrée, la secrétaire de l'établissement que je croise me demande si je me suis bien reposée. C'est elle qui, de service, en ce dimanche après-midi, nous a reçus il y a quelques heures et conduite à la cuisine, puis à notre chambre. J'ai du mal à saisir le torrent de paroles de la fluette, mais très vive mademoiselle Weber, et je réponds maladroitement. Dans le parc, deux vieilles dames m'apostrophent aimablement. « Vous êtes française, n'est-ce pas ? Cela se voit tout de suite. » J'acquiesce en me disant que ce n'est pas la première fois qu'on me fait la remarque. Pour ma part, j'ai le sentiment d'avoir devant moi des Allemandes typiques, alors qu'elles ne se ressemblent nullement. Peut-être en raison de leur haute taille, de leurs yeux clairs et d'une distinction plutôt rare dans la population féminine de ma région d'origine. « Elle est vraiment gracieuse !» s'exclame l'une d'entre elles, avant de poursuivre sa promenade avec sa compagne dans le parc presque nu, un environnement neuf pour des bâtiments très récents. Un homme arrache des brins d'herbe dans un parterre de roses. Pas très vieux, bien que chauve, avec sa chemisette à fleurs et son pantalon aux plis impeccables. Il a moins l'air d'un jardinier que d'une personne en visite dans ces lieux. Je lui demande s'il est employé ici. Il bredouille des paroles incompréhensibles, puis sourit d'un air narquois, comme s'il me prenait pour une toquée. Bizarre, bizarre. Une employée en blouse bleue qui vient d'observer la scène depuis le banc où elle fait une pause me fit signe d'approcher. Heinrich est schizophrène. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Ne crains rien. Assieds-toi près de moi. Je m'appelle Hafna. C'est quoi ton prénom? Clotilde. Dis, ici c'est bien une maison de retraite, pas un asile d'aliénés. Hafna part d'un grand éclat de rire. Je ne sais pas trop. Beaucoup de vieux n'ont pas toute leur tête. Excuse-moi, je dois retourner travailler. On se reverra plus tard. Je rejoins bientôt ma camarade qui range ses affaires dans une armoire. De mon lit, je suis des yeux cette fille si raisonnable, si gentille, d'humeur toujours si égale. Impossible de se fâcher avec Hélène au calme si olympien qu'elle doit peut-être à son éducation calviniste. Heureux sera l'homme qui l'épousera. Bien que dépourvue de forts attraits féminins, elle a un visage d'ange, avenant et délicat. Pourtant, sous l'eau qui dort, les remous existent. Hélène n'a plus de règles depuis 2 ans. Sa sœur aînée, âgée d'une 30aine d'années, souffre d'anorexie mentale. Et la cadette, la plus jolie des trois, ne semble passionnée que par ses études d'infirmière. Est-ce la résultante de mœurs rigoristes? Hélène parle parfois d'un oncle, jamais de son père, peut-être mort, peut-être parti. Il n'y a pas d'intimité profonde entre nous deux, aussi pudique et peu ancrée nos confidences l'une que l'autre. Mais nous avons sympathisé en classe terminale, le fort intérêt pour la langue et la littérature allemande nous ayant rapprochés. C'est Hélène qui a trouvé cette idée de séjour à la fois économique et utile dans une maison de retraite à Bad Mingolsheim. Après l'obtention du baccalauréat, quel plaisir de voler de ses propres ailes! Je ne rêve que de grands départs et de quitter le monde borné de ma jeunesse. Mes parents ne trouvent pas grand-chose à y redire du moment que je garde, bien chevillé au corps, mon goût pour le travail intellectuel qui m'assurera une vie meilleure que la leur d'après ma mère. En vérité, il me semble que rien ne peut me détourner de mon amour naturel et insatiable de l'étude. Vers 6h30, Hafna vient nous chercher et nous conduit au réfectoire du rez-de-chaussée où elle nous apporte du thé et de la charcuterie. Apparemment, on ne cuisine pas le dimanche soir. La jeune femme prend place, elle aussi, à la grande table commune, bientôt rejointe par Esma, sa cousine. Les deux trentenaires, aussi brunes de teint et de cheveux que des gitanes, sont originaires de Bosnie-Herzégovine. Des deux, Esma est la plus jolie et Hafna la plus agréable, sans doute en raison des innombrables ridules souriantes incrustées autour de ses yeux et de ses lèvres. Tout en fumant une cigarette à la fin du repas, elle raconte les enfants élevés par la vieille mère, le bon salaire gagné en Allemagne, la maison que son mari construit là-bas au pays, le congé une fois par an, toujours trop court. Ce soir, elles sortent faire un tour avec des compatriotes masculins. « On ne peut passer sa vie à bosser comme des esclaves », déclare Esma en éclatant d'un grand rire coquin. 3 jeunes filles arrivent sur ces entrefaites, introduites par Mademoiselle Weber. 10 anglaises, mignonnettes, mais refermées sur leur trio en raison de leur ignorance autant de l'allemand que du français. Décontenancée par ces froides nordiques, je n'essaye même pas de converser avec elles en anglais et je poursuis ma discussion avec les 2 bosniaques si naturelles et si familières, à la manière de beaucoup de gens du Sud. Tout le monde se lève bientôt et après une promenade dans les environs, Hélène et moi regagnons notre chambre. À 9h sonnante, je commence mon travail à la cuisine. Toute la matinée, dans une petite pièce annexe, je coupe de la charcuterie avec une machine bruyante, tout en chantant à tue-tête des airs d'opéra que j'invente et en me racontant des histoires. Avec mon tablier blanc et mon fichu bleu sur la tête, je me trouve une physionomie fort intéressante et me contemple souvent dans la glace des toilettes. À midi, Mademoiselle Weber vient me chercher pour le déjeuner. En bout de table, au réfectoire du personnel, se tient Frau Oberin, madame la directrice, dont tout l'être respire l'autorité. Une très haute taille, un port de tête royal, une poitrine impressionnante, des pommettes hautes, un regard pénétrant derrière des paupières à demi-closes. Un timbre de voix net et assuré, des propos d'une clarté implacable. à Oberyn est un toute présence féminine à ses côtés. La secrétaire, l'intendante, la comptable, l'ensemble du personnel soignant. Toujours polie mais ferme, elle trône et domine impérialement. Cette femme semble incarner la compétence, la droiture et la rigueur morale, la franchise, l'humanité efficace, l'amour du travail bien fait. Elle guide et protège en femme virile dotée d'attributs de la féminité tout à fait féline. C'est une sorte de déesse mère qu'on vénère et désire servir au mieux, je le sens, mais qu'on craint comme l'œil de Dieu. Difficile d'imaginer une telle femme à la personnalité aussi écrasante, mariée, tant elle semble entièrement se suffire à elle-même, comblée pleinement, sans aucun doute, par l'exercice d'un pouvoir incontestable et incontesté qui apparaît comme un héritage venu de très loin. Une fille de Hobereau ou de général prussien, peut-être. Après le déjeuner, Madame Duchet, l'intendante de l'établissement, m'entraîne dans le parc et me confie avoir été expulsée des Sudètes à la fin de la guerre. Les yeux perdus dans le vague, la quadragénaire raconte les massacres perpétrés par les Tchèques à l'encontre des Allemands non loin de son village. Les viols, la ferme qu'il a fallu quitter en toute hâte, l'exode sur les routes en juin 45. Les charrettes surchargées, les landaus poussés par des mères exténuées, les vieillards qui titubent, les femmes enceintes tombées au bord de la route, les pleurs des enfants affamés, les bêtes et les gens malades qu'il faut abandonner. L'arrivée dans l'ouest d'une Allemagne dévastée. Dans les silences de Madame Duchek passent les longues colonnes d'êtres humains dépenaillés, réduits à l'état de bétail. Elle n'a jamais revu sa grand-mère paternelle, tchèque, qu'elle aimait tant. Elle a perdu son père et deux frères à la guerre. Sa mère est morte de chagrin. J'ai du mal à trouver la paix. Je prends beaucoup de médicaments. Un peu plus de 20 ans sont pourtant passés. Mon cœur est resté là-bas, dans mon village, dans la maison où je suis née, dans mon église, dans ma petite école, conclut-elle avec un sourire triste. J'ai déjà entendu parler de l'expulsion des minorités allemandes installées depuis des siècles en Europe centrale et orientale, mais je ne sais que dire et me contente d'écouter. Dans ce bâtiment neuf où tout semble parfaitement réglementé selon les lois du présent, j'ai l'impression que le passé respire et suppure partout. En début d'après-midi, je retourne à la cuisine où j'essuie la vaisselle pendant 2 à 3 heures. Impossible de me soustraire à ce travail qui ne me rebute pas vraiment, sans doute à cause de Madame Steinbach, une dame toute petite et grassouillette, d'une douceur extrême qui lave à mes côtés des marmites énormes. Un petit chignon argenté, pas une ride, tout en elle n'est que rondeur. J'adore l'entendre parler de ses enfants et petits-enfants, de son mari qui passe toutes ses soirées au jardin. Sans être simplette, elle évolue dans un tout petit univers, certes fait de dur labeur une partie de la journée, mais aussi de beaucoup de tendresse. Comment cette petite bonne femme qui n'a jamais quitté son village, d'après ses dires, a-t-elle pu vivre les allées noires du Troisième Reich? Poser une telle question, n'est-ce pas réveiller des blessures mal fermées? Elle a sûrement rasé les murs, en souris effacée, comme beaucoup. Peinant à retenir mon prénom, la gentille grand-mère m'appelle soudain Fifi. Fraulein Fifi. C'est mignon, c'est affectueux. Pendant tout mon séjour à Bad-Mingolsheim, je serai Fraulein Fifi pour tout le monde, même pour Frau Oberyn. La vaisselle terminée, le personnel de la cuisine fait une pause autour d'une tasse de thé. J'apprends que Madame Beckrich et Madame Heinlein sont originaires respectivement de Basse-Silésie et de Poméranie-Orientale, aujourd'hui situées en Pologne. Elles ont connu, elles aussi, le sort des expulsés, mais elles ne sont pas femmes à ruminer le passé et à pleurnicher sur leur sort. « Il faut regarder de l'avant, » clame-t-elle haut et fort. C'est avec une fougue virine que je les ai vues ce matin empoigner leurs énormes marmites, les sacs de pommes de terre, les gigantesques quartiers de viande, tout en poussant de vigoureux jurons. Frau Oberyn n'a nullement besoin de fourrer son nez dans la cuisine où elles sont reines. Leur travail est irréprochable. Tout en plaisantant, Madame Heinlein, la poméranienne cuisinière en chef, une boule de nerf à la démarche claudiquante, morigène et rabroue sans ménagement ses collègues, surtout Hildegarde, une grosse fille rougeaude de 15 ou 16 ans qui fait ici son apprentissage. C'est qu'elle est vraiment bébête, Hildegarde, aussi dure d'entendement que maladroite, ce qui ne l'empêche pas de me donner des ordres avec un brin de condescendance. Madame Beckrich, la Silésienne, tout en courant toujours à gauche et à droite, aime lancer dans son dialecte moult vannes qui font rire tout le monde, sauf moi, bien sûr, qui ne connais que la langue de Goethe et de Schiller. Ma minceur constitue un grand sujet de raillerie. Un sapin, un vrai sapin. Sa mère ne lui donne pas à manger. Jamais un homme ne voudra d'elle. Et de glisser en même temps dans ma bouche un beignet, une crêpe, un morceau de sucre. Vers 6 heures du soir, je monte travailler au troisième étage, où je sers avec Hafna l'éternelle charcuterie, ou des plats non consommés au déjeuner et conservés au réfrigérateur de la petite cuisine. Certains vieux au regard vide ne quittent plus leur lit, ou déambulent comme des automates dans les couloirs. Ils bavent, crachent, font leurs besoins à côté des toilettes. Ils sont pires que des bébés. Il faut donner la béquille à quelques-uns, notamment à une quinquagénaire tétraplégique, clouée au lit depuis 18 ans, suite à un accident de la route provoqué par son mari. Elle a toute sa tête, mais sa voix est à peine audible. Aussi articule-t-elle de manière très exagérée pour essayer de se faire comprendre. C'est douloureux à voir, douloureux à entendre. Personne ne vient plus la voir depuis longtemps déjà, me raconte-t-elle, avec un triste sourire. Après le dîner des passions, pris dans des conditions chaotiques, nous faisons la vaisselle dans la cuisine. Hafna lave en entonnant des chansons d'une mélancolie lancinante qui donne envie de pleurer. Gertrude, prognate, difforme, boiteuse, malentendante, essuie les couverts avec une application touchante. Elle rit souvent de sa bouche édentée et m'embrasse à plusieurs reprises en frottant sa joue toute douce de vieille femme contre la mienne. Malgré son arriération mentale et ses handicaps physiques, elle n'est pas la plus malheureuse des créatures, loin s'en faut, car elle n'a rien de plus urgent en toutes circonstances que de montrer sa joie de vivre et son affection au monde entier. Je ne peux m'empêcher de me demander comment elle a pu échapper aux eugénistes hitlériens. Une fois la cuisine nettoyée, je passe encore une fois dans les chambres avec Liselotte, une aide-soignante. Pour masser des dos perclus de douleur, à l'aide de baumes ou soigner des escarres. Je donne aussi une douche à une vieille femme à la peau blette comme une vieille pomme. Liselotte m'invite à papoter avec deux vieillards lucides, mais impotents, qui se réjouissent d'avoir quelqu'un à qui parler. L'un évoque les petites femmes de Paris pendant l'occupation allemande avec des gestes obscènes, non équivoques. L'autre, M. Bach, n'arrête pas de me dire que je suis jolie, comme dans les magazines, ce qui est fort agréable à entendre. Lui, il a fait la Première Guerre mondiale et a rempilé pour la deuxième, mais il n'en veut qu'à Hitler, pas au peuple. Quelqu'un sonne tout à coup de manière continue dans une chambre où je me précipite. Une vieille dame baigne littéralement dans ses excréments diarrhéiques à l'odeur épouvantable. Aucun soignant en vue, pas de Hafna non plus. Que faire? Je ne peux pourtant pas laisser la pauvre vieille dans cet état. Allez, Clotilde, fonce! Quand Madame Bergman, l'infirmière de service, apparaît un quart d'heure plus tard, le problème est résolu. Cette femme, aux yeux tristes et à la mine contrite, après m'avoir remerciée laconiquement, me demande d'aller récurer les toilettes. Et puis quoi encore? Avec une moue de dégoût, je fais non de la tête. Alors, la dame m'ordonne d'un ton sec de la suivre et me montre comment s'y prendre. Que de s'imagrer pour pas grand-chose, ronchonne-t-elle. Du récol que de travailler ici quand même. Hafna vient souhaiter la bonne nuit à tous les vieux. Prends ma main et dégringole avec moi les escaliers en chantant des airs endiablés de Bosnie. Au revoir les malades et les vieux qui puent, on va manger. En pénétrant dans le réfectoire, nous apercevons trois nouvelles frimousses. À tour de rôle, les jeunes gens se présentent. Gert, 22 ans, de Hambourg, Siegling, 23 ans, de Brême, Max, 21 ans, d'Ulm. Des Allemands donc, sympathiques, qui engage tout de suite la conversation avec nous, les Françaises, les trois Anglaises babillant pour leur part dans leur coin. La porte s'ouvre peu après pour livrer le passage à deux jeunes hommes qui saluent d'un signe de tête un peu timide. « Moi, c'est Aziz, » dit l'un d'entre eux en français. « Et lui, c'est Mohamed, mon cousin. Nous sommes marocains. » Ils ont en commun la peau très brune, l'œil de braise, le cheveu de jais, des traits réguliers, la sveltesse également. Élégamment vêtus, ils sont sans doute d'un milieu aisé. Là s'arrêtent les ressemblances. Les traits de Mohamed sont plus saillants, ceux d'Aziz plus ronds. Le regard surtout est différent. À la fois doux et pénétrant chez Aziz, un peu distant et un brin railleur chez son cousin. Les deux garçons, qui sont seulement dans leur 18e année, font des études dans un lycée français de Marrakech et passeront leur baccalauréat l'année prochaine. Pour moi, qui verront très bientôt à l'université, ce sont évidemment deux gamins avec lesquels je vais faire un tour en toute fraternité dans le village jusqu'à la tombée de la nuit. À notre retour, la secrétaire, encore présente dans l'établissement, nous explique que les Marocains travailleront avec Hélène et les Anglaises auprès des pensionnaires, tandis que je resterai en cuisine le matin et évacuerai au troisième étage en fin de journée. Les trois étudiants allemands, quant à eux, aideront le personnel administratif dans le cadre de leur stage civique obligatoire. Je continuerai donc d'avoir les mains dans la charcuterie, la vaisselle, les seaux d'eau usés et le reste. On m'a montré ce matin comment bien passer la serpillière et faire reluire. C'est fou ce que ces Allemands savent bien pratiquer la propreté. Partout règne la netteté, l'ordre, mais aussi la bonne humeur. La machine fonctionne sans faille sous la férule de Frau Oberin, qui, à midi, m'a félicité publiquement pour mon zèle, déjà souligné par l'ensemble des cuisinières. J'ai à peine rougi, car je sais qu'on ne peut nier mon goût du travail bien fait et ma soif d'apprendre dans tous les domaines. En milieu de semaine, je rends visite à Liselotte Schneider, l'aide-soignante du troisième étage, qui m'a invitée au café Kuchen, le goûter rituel de l'après-midi en Allemagne. « Jamais tu ne devineras d'où je viens », déclare cette grande et solide femme d'une quarantaine d'années, en poussant vers moi une assiette où trône trois morceaux de gâteau couronnés d'une montagne de crème chantilly. C'est un territoire qui n'existe plus aujourd'hui. Ne serait-ce pas Danzig, aujourd'hui le Gdansk polonais? Ah, tu connais? On connaît en France? Je l'ai appris en lisant Le Tambour de Günter Grass, un livre remarquable. Tu sais, je ne suis pas une grande intellectuelle. Un long silence s'ensuit, puis Madame Schneider reprend. On m'a arraché à mon enfance, à ma ville, à mes amis, à ma parenté morte ou dispersée. On m'a ôté à moi-même. Imagine, nous étions établis là-bas depuis 7 siècles. On nous a chassés comme des chiens. L'histoire, oui, encore une fois l'histoire. Madame Ducek m'a raconté à peu près la même chose. Ici, presque tout le personnel de la maison de retraite vient de l'Est. C'est pour ça que nous sommes très solidaires. Liselotte, tout en avançant vers moi la cafetière et des portions individuelles de lait concentré, soupire en faisant un large geste autour d'elle. J'ai essayé de toutes mes forces de me reconstruire et de me tourner vers l'avenir. C'est alors que je prends note, seulement maintenant, des nombreuses poupées de grande taille posées sur des guéridons, des fauteuils, des commodes, une chaise d'enfant, un berceau, une poussette, un landau et à même le tapis. 15 fausses couches, 15 poupées. Tu comprends? 15 périodes d'espoir fou et autant de dépression profonde. Je me lève et contemple bouche bée, le satin, la soie, le velours, les dentelles, les rubans multicolores, les chapeaux surmontés de fleurs et d'oiseaux, les vestes et les chaussettes tricotées, les petits sacs en crochet. Je les habille et les peigne. Liselotte tire de ses tiroirs les brosses à cheveux, des petits flacons de shampoing, un trousseau impressionnant, des biberons et des sucettes dans les tiroirs d'une commode. Quel drame, l'histoire de cette femme est tellement poignante. Dire qu'il y a tant de mères qui voudraient envoyer leur marmaille au diable, dis-je une fois assise pour déguster ses gâteaux. Ta mère ne t'aime pas? Je n'en sais rien. On n'est pas démonstrative dans ma famille. Jamais de câlinerie chez vous ? Non, mais cela tient peut-être à moi. Je vis très repliée sur moi-même depuis toujours. Heureusement, la conversation dérive vers des sujets plus gais. À mon retour à la maison de retraite, près d'un parterre de rosiers, j'aperçois Heinrich, le schizophrène, palabrant une fois de plus avec la secrétaire de l'intendante, une femme d'âge mûr, célibataire. Ces deux-là, on les voit toujours fourrés ensemble, n'est-ce pas, pour combler le vide de leur cœur ? Un peu plus loin dans le parc, le porteur de valise yougoslave parle avec Hafna en la regardant droit dans les yeux. Toujours et partout le besoin d'affection. Entre nous, les jeunes, il n'en va pas autrement. Aziz fait les yeux doux à Cindy, l'une des Anglaises, une petite jeune fille lymphatique aux formes pulpeuses. Max, un jeune homme très instruit et d'humeur toujours égale, dont j'apprécie la conversation, me fixe parfois de manière étrange de ses yeux bridés, mais je détourne aussitôt le regard. Que ce garçon petit, rablé, faisant beaucoup plus que son âge, n'aille pas se mettre en tête je ne sais quoi. Il pourrait faire un excellent ami, pas un amoureux. Malgré notre familiarité, je n'ose pas lui poser l'indécente question qui me brûle les lèvres. Son père est-il allemand ? Né quelques mois après la fin de la débâcle du Reich, ce garçon aux traits slaves n'est-il pas le fruit non désiré dont trahit Teuton, violenté par un Ivan soviétique ? Geert, gaillard dégingondé, si conforme à l'idée que je me fais d'un rejeton d'une famille allemande, petite bourgeoise, aux principes moraux et religieux très stricts, rougit jusqu'aux oreilles chaque fois qu'il me croise. Ce garçon aux yeux bleus embués d'émotions amoureuses devrait s'intéresser à Hélène, pas à une fille comme moi, maquillée de manière outrancière, coiffée à la Brigitte Bardot, toujours perchée sur de hauts talons. Parfaitement conscient de ma coquetterie, de ma légèreté, je me dis qu'on n'a pas toute sa vie la joliesse de ses 18 ans. Parfois, il m'arrive d'avoir un peu honte de moi-même. Ne me prétends pas pour une fille de petite vertu, moi si studieuse par ailleurs et si passionnée par les choses de l'esprit. La période du lycée vient de s'achever. Les parents sont presque oubliés. Et avec la découverte d'un monde nouveau, je dégrafe un peu mon corsage. Voilà une semaine que je suis à Bad Mergolsheim. Aujourd'hui dimanche, avec le feu vert de Frau Oberin, Singling a organisé pour les étudiants étrangers une promenade en bateau sur le Neckar et une visite de Heidelberg. Une fille énergique que cette jeune Allemande bâtit comme une athlète, prototype parfait de la germanité exaltée et glorifiée il n'y a pas si longtemps. Blonde, carrée, solide, admirablement proportionnée, une carrure de cheftaine et future meneuse d'hommes, sûre d'elle-même, une Frau Oberin en puissance à n'en pas douter. La matinée commence sous un ciel maussade et les rives de la paisible rivière sont noyées dans la brume, puis, sur le coup de midi, l'eau se teinte du vert sombre des collines moutonnantes qui la bordent. Heureusement que le soleil de juillet apparaît vers midi, car Aziz et Mohamed frissonnent avec leurs chemisettes à manches courtes. Agacé par le regard souffreteux posé sur moi de ce grand dindet de Geert, je me rapproche d'Hélène et des deux Marocains avec lesquels les échanges se font systématiquement sur le ton de la plaisanterie. Aziz paraît déjà se détourner de Cindy et au son qu'il cherche ailleurs. En l'occurrence de mon côté, mais un peu plus âgé que lui, je ne pressens pas en lui un possible amoureux. J'éprouve en outre une grande soif de liberté. Pas question de passer de la tutelle parentale à une autre forme d'asservissement à qui que ce soit. J'aime marcher seule. Présentement, je me laisse submerger par la forte et cependant douce émotion procurée par le spectacle d'une nature sereine, un peu sombre et austère toutefois, avec les verts profonds de ces forêts ténébreuses, plus guérettes là où les vignobles s'étagent sagement sur les flancs de la rivière. Les strates du passé se juxtaposent ou s'enchevêtrent dans une harmonie parfaite. C'est l'Allemagne éternelle des poètes qui respire ici dans sa souveraine beauté, avec les ruines de ses châteaux forts, où s'accrochent de multiples légendes. Ces maisons à colombages qui ont vu passer des générations et des générations de Gretchen ou tresses blondes s'y bâtissent au baroque coloré et inventif. Heidelberg avec son château de grès rose et son pont majestueux, les ruines qui incitent aux rêves et donnent envie d'ouvrir des livres d'histoire, les pavés polis par ton de pas d'étudiants, les tavernes où on refait tous les jours le monde, un verre de bière fraîche à la main. Quel cadre idyllique pour une vie consacrée à l'étude! Ce n'est pas dans ma ville que je trouve une si merveilleuse atmosphère, mais il se peut que je ne sache pas en voir et goûter les beautés dissimulées sous les siècles de crasse et de négligence. L'Allemagne, elle, accorde tous ses soins aux maigres vestiges rescapés de ses champs de ruines, d'où a émergé un nouveau pays moderne, fonctionnel, mais sans âme dans beaucoup d'endroits. De retour en fin d'après-midi à la maison de retraite, je suis amenée à torcher une malade au troisième étage. Fini mes rêvasseries fumeuses à propos d'un mythique Moyen-Âge qui fut tout sauf romantique. Fini le décor de contes de fées. La vraie vie, c'est apparemment le travail répétitif et harassant qu'il faut fournir jour après jour. Pourrais-je passer mon existence à préparer de la tambouille pour les autres, récurer des marmites, nettoyer des derrières, établir des budgets, examiner des dossiers, donner des ordres à des subalternes? Aurais-je la patience d'écouter, jour après jour, les récriminations de malades acariâtres et moroses et de subir les embrassements d'une Gertrude? Non, non et non. Ce lieu n'est qu'une parenthèse dans ma vie. J'observe, je prends note, je me sens si peu impliquée dans mon esprit et dans ma chair que je fais mon travail en chantant mes airs d'opéra, car je sais que je vais partir bientôt. Mais que ferai-je à mon retour en France? Je vais sûrement m'inscrire à la faculté de lettres, mais pour étudier quoi, au juste? La géographie et l'histoire, peut-être, dont je me sens si férue? On verra. L'émotion amoureuse que je continue de lire dans le regard noyé et le menton tremblant de Gert me flatte autant qu'elle me dérange, car je ne voudrais pas lui faire du mal. Pauvre garçon, candide et vulnérable, quel benêt! Ne comprend-il pas qu'il a affaire à une jeune et cervelée, avant tout soucieuse de plaire et incapable d'aimer? Je fis tout pour l'éviter et me réfugier auprès des filles et de Max, le compagnon si tranquille qui, lui, se contente maintenant d'une belle camaraderie dépourvue de tout attachement ne menant à rien. L'irrationalité, cependant, n'est pas bien loin. Je prends conscience que j'aime promener mon regard sur la peau ombrée d'Aziz, ses cheveux de jais, ses sourcils charbonneux et ses yeux gorgés de soleil. Pourquoi me semble-t-il si beau? Pourquoi cette beauté si régulière et si suave me parle-t-elle, alors que Mohamed, qui a son charme lui aussi, me laisse indifférente? Une envie tenace de toucher le jeune Marocain et de le serrer très fort dans mes bras me tenaille. Mais il est trop jeune. Il est impossible de toute façon qu'il s'intéresse à une fille de mon âge, certainement assez jolie, mais pas d'une beauté irrésistible non plus. Il ne faut plus penser à lui, se concentrer sur son travail, lire le soir au lieu d'aller se promener avec les garçons dans le village, écrire aux parents qui aiment bien recevoir des lettres. Aziz se trouvant 10 fois par jour sur mon chemin, je décide de planter mon regard droit dans le sien, cette manière directe m'apparaissant la plus efficace pour ne pas laisser émerger en lui quelques soupçons sur mes tiraillements intérieurs. Quand il est occupé avec d'autres, je dévore le merveilleux visage imberbe, le corps délié, les membres fins et rassés, tout en me persuadant que j'ai bien le droit de me rassasier visuellement de cette beauté. Je me divertis en fréquentant beaucoup une femme de ménage, Madame Lohmann, qui me narre en long et en large son séjour de 6 mois dans un kibboutz israélien l'année précédente. Cette dame, la cinquantaine bien sonnée, vive de corps et d'esprit, est revenue transformée de son expérience de vie communautaire, dont elle vante les vertus et l'efficacité. Tiens, enfin une personne évoquant d'une manière indirecte la question juive. Aucun discours sur une éventuelle responsabilité personnelle ou collective, aucune dénonciation du génocide non plus, mais une mise à disposition silencieuse de ses capacités de travail pour une œuvre réparatrice. J'en suis fortement impressionnée. Dimanche dernier, visite du château de Schwetzingen, résidence d'été des princes électeurs palatins au XVIIIe siècle. Luxe, opulence, raffinement de ces anciens seigneurs allemands avant l'effondrement du Saint-Empire romain germanique sous les coups de boutoir des armées napoléoniennes. Je goûte peu le style baroque sophistiqué et encore moins le théâtre rococo. Rien à voir avec l'héroïne poétique sur les rives du Neckar. À cause de la pluie, nous ne nous sommes pas attardés dans l'immense parc dont nous avons vu peu de choses. Dans le bus, au retour, Aziz s'est assis à côté de moi, mais je me suis gardée de tourner la tête vers lui. Le soir, après le dîner, il a frappé à la porte de ma chambre. « Viens, on va tous faire un tour !» J'ai laissé tomber les sous.